maison savons que la vie n'est qu'une variation de récits anciens. Comme Edmond, j'ai été faussement accusé, banni vers l'Amérique, oublié par mon aimé. Princesse française que j'ai protégée en cette nation, qui sous la crainte de son père et de l'État m'abandonna dès qu'elle trouva travail en France. Moi qui avais payé sa vie et son savoir, moi qui lui ouvris des portes en Angleterre et au Portugal et la recommandais comme ministre aux États-Unis. Abandonnée dans les cachots pour l'éternité, je découvris près de moi l'être le plus vénérable. Seigneur des nations, du temps des mondes, qui me remit le destin de l'humanité et fit de moi le juge des vivants et des morts, le plus grand trésor qu'un homme puisse rêver.